Combien tu as sur toi ? J'en sais rien. Mais grosso modo. Grosso modo, 10 euros. Et toi ? Presque 5. Eh ben, on ne va pas aller loin avec ça.